Natusad Imperium. Phénoméga, plus fort que ses prédécesseurs, collé avant d'ouest comme Amazon et près de ses sœurs. Écoute, c'est du disque dur au disque d'or, car je t'explique ce que l'on dure et nique tous ceux qui disent que je dors. On est dans l'arène, tu mets de côté la bamboula. Certifié à 100%, je sais qu'on fait du bon boulot. La vie s'enlève pas et tu vois, on la bat qu'au goulot. Et si je veux le cagouler, tu bouges ta tête, on tient le bon bout là. Pomme le toit, ce frérot, je du pays de Sankara. C'est pour ça que Mérine, moi, une valeur de plus de Sankara. Qui fait mon sens, c'est comme sauter d'un avion sans parachute. Si ça chante, c'est vrai, de Ouaga jusqu'à Ankara. C'est vrai aussi, car j'ai le rap dans les chromosomes. Inutile de résister, oh, laisse trop nos hommes. Comme nous, on est des fanatiques, on protège trop nos zones. Comme un album sur platinum ou placé dans les chromosomes. Voix déchirée, c'est pas une cure de thalasso. De jour comme de nuit, c'est d'ici qu'on déclare l'assaut. Même sans tous les ingrédients, mon coup prépare la sauce. Quitte à ce qu'elle ait un mauvais goût, serré par le lasso. De nos techniques lyricales, pro laisse parler les sauts. J'ai emporté mon drapeau, soutenu par les assos. Et vaut au bout qu'on m'entraîne bien, visage pas les leçons. De toutes les casses, fait clat, tu peux plus parer les sorts. La rose au bout du fusil. Moi je préfère faucher les chrysanthèmes. Lève mon poing, nique tous ceux qui chantent qu'on écrit sans thème. J'ai mis au pied du mur, on sait gérer les chrysanthèmes. Parabole captée en live ici, les récits chrysanthèmes. Que vous soyez grand, riche ici des favelas. On fait bouger vos têtes sur l'instru car je viens laver là. Front, on fait front, façon flave à favela. Justice s'appelle ma prubinée parmi les favelas. Nos machines de guerre graves ont atteint le coup. Vos dirigeants restez connus chez nous sans atteindre la coup. Avec des rimes on se lève ici, les matins là courent. Dans tous les sens c'est rare comme les bagarres qu'on mate à la cour. D'écran quand tu répliques t'es dans le panneau. Sur la mesure on rapplique, les nuls se font paner. Je marchais encore debout quand vous n'étiez pas né. Lyricalement en tout cas les losers c'est pas nous. Voix déchirée, c'est pas une cure de thalasso. De jour comme de nuit, c'est ici qu'on déclare l'assaut. Même sans tous les ingrédients, mon groupe prépare la sauce. Quitte à ce qu'elle ait un mauvais goût, serré par le lasso. De nos techniques lyricales, pour laisse parler les sauts. J'ai emporté mon drapeau, soutenu par les assos. Et vaut au bout qu'on m'entraîne bien, visage pâle et le saut. De toutes les cases, fait clat, tu peux plus parer les sorts. Le flou est solide, avec ça on casse les briques en vrac. Sur texte nos impros ne seront jamais du bric à brac. Pur égo trip, c'est là que l'on fabrique à brac. Cadabra, c'est la magie sur la métrique qu'on braque. Médiocrité, t'es sur les nerfs. Depuis qu'on t'a quitté, c'est normal, je vais être libre. Comme qu'on t'a quitté, être le meilleur. Ici, vrai que t'as quitté, la masse elle commence maintenant. De mes comptes m'a quitté. Voix déchirée, c'est pas une cure de thalasso. De jour comme de nuit, c'est ici qu'on déclare la sauce. Même sans tous les ingrédients, mon goût prépare la sauce. Quitte à ce qu'elle ait un mauvais goût, serré par le lasso. De nos techniques lyricales, pour laisse parler les sauts. J'ai emporté mon drapeau, soutenu par les assos. Et vaut au bout qu'on m'entraîne bien, visage pâle et le saut. De toutes les cases, fait clat, tu peux plus parer les sorts. Par l'asso, on déclare l'asso. Je prépare la sauce. Serré par le lasso, laisse parler les sauts, soutenu par les assos, visage pas les leçons, fait que là tu peux plus parer les sorts.